vérité en pleine face. Je pensais pas que ça pouvait être pire. T'as pogné le fond de la crevasse. Un mal est magasiné d'un champ. M'a échangé contre une jument. C'est pas ton fort. Faut craindre que ça prenne une contrée. Pour comprendre que là tu prends le bord. M'a les magasiné d'un champ. M'a échangé contre une jeune. M'a les magasiné d'un champ. M'a échangé contre une jumelle.